On va parler de natation, nage en eau libre. On sait qu'il y a des compétitions un peu partout qui vont débuter bientôt. Celle de la traversée du lac Saint-Jean aura lieu à la fin juillet. Saint-Thomas, c'est la semaine prochaine, mais il y a celle de Chibougamau qui va avoir lieu en fin de semaine. Et je dois vous admettre que c'est la première fois qu'on va en parler parce que je n'étais pas vraiment au courant qu'il y en avait une à Chibougamau. Mais question de savoir un peu comment que ça va se passer là-bas. On parle avec Julie Arbour, qui est la responsable. Salut, Julie. Bonjour. Julie, si on parlait de cette compétition-là, ça fait 2, 3 ans que je n'entends parler un peu, mais que je n'étais pas vraiment au courant. Mais dis-moi, ça fait combien de temps qu'elle existe, cette compétition-là? Ben, en fait, c'est la 6e année. OK. Elle avait déjà existé auparavant, mais il y avait eu comme une pause là, entre les deux. Fait que c'est la 6e année tout de suite qu'il y en a une. Avec le comité actuel, là. OK. Est-ce que, si je compare avec Saint-Thomas, est-ce que c'est pas mal les mêmes coureurs qu'on retrouve au lac à Jim? Ben, il y en a, ce sont les mêmes, mais c'est sûr qu'ici, c'est moins gros un petit peu, c'est plus loin, parce OK. que les gens ne traversent pas nécessairement le parc, là. La différence avec Saint-Thomas, c'est qu'ici, il y a pratiquement pas de gens de Québec ou de Montréal, c'est tout du monde du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Viennent ici, puis de temps en temps, il y en a quelques-uns des autres régions, là, mais c'est principalement Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis aussi la population de Chibougamau là, participe quand OK. même. Oui. Est-ce que c'est une compétition que les gens sont fiers à Chibougamau? Parce que c'est sûr qu'on peut pas comparer avec la traversée du lac Saint-Jean, c'est Nico, mais Saint-Thomas, je pense qu'on est fiers, on est vraiment fiers, c'est une belle activité là-bas. Est-ce que Chibougamau, c'est une activité côté commanditaire, côté bénévole? Est-ce que c'est facile est-ce que les gens embarquent de ce côté-là? Oui, on est très fiers de la compétition, puis les commanditaires, ça va bien aussi. Nous, on offre à chaque participant, là, à chaque année, un beau cadeau qui est payé par des commanditaires. Cette année, c'est un chamois. C'est Okay. comme une grande serviette là, que les gens utilisent. C'est quand même un gros cadeau là, avec notre logo dessus. Là. Fait que chaque participant va recevoir un chamois là, qui a été commandité par des commerçants ici. OK. Puis les bénévoles, c'est la même chose, là. Les bénévoles, là, comme là, j'en ai quasiment trop, là. OK. Les gens sont fiers d'aider aussi. OK. Est-ce que c'est des coureurs qu'on va voir au marathon de la relève à Robertval? Est-ce qu'il y en a là-dedans? Oui, il y en a une qui va, ben, une de Chibougamau, entre autres, elle va faire le marathon de la relève pour la 3e année. OK. Elle va être ici, elle va nager à Chibougamau. Il y a Alexandre Petitclier qui fait souvent aussi le marathon de la relève. Elle va être là aussi samedi. Okay. Je pense que ce sont les deux seuls là, qui vont participer au marathon de la relève cette année qui vont être à Chibougamau aussi. Okay. Puis comparativement au lac à Jim, c'est une compétition où est-ce qu'on retrouve c'est du 1, 2 et 5 km. Il n'y a pas de 15 km, hein? Oui, c'est ça. Nous, c'est 1, 2, 5. On commence par le 5 km le matin. OK. Le plus grand parcours pour le 5, c'est 714 mètres sans cordage, là, sur le Ouais. lac Guilmette. OK. Le 2 et le 1, c'est un petit parcours de 250 mètres qui est plus proche du bord, là. Fait que c'est ouvert plus à la population, celui-là, là. OK. Si on parlait un peu justement, puis est-ce que tu peux avoir est-ce qu'on va avoir du 15 km éventuellement ou on peut pas vraiment là? Je pense pas. On n'a pas un grand lac, OK. là. C'est sûr qu'il faudrait faire un parcours avec plusieurs tours, là. Comme le lac Adjane, c'est 2,5 km. Ouais. Nous, on n'aurait pas un aussi grand parcours parce que notre lac est quand même pas super gros. OK. Mais je pense qu'on va s'en tenir là, à 1, 2, 5 avec notre compétition. OK. Julie, si on parlait maintenant, je pense que la grande nouveauté également, c'est qu'il y a les Jeux du Québec, ça va servir de qualification régionale pour les Jeux du Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. Il va y avoir deux gars et deux filles du Saguenay-Lac-Saint-Jean OK. qui vont se qualifier en fin de semaine pour aller aux Jeux du Québec. C'est qu'on en prend quatre en tout, là. OK. Ça va, les activités vont commencer à quelle heure? Ça va être le départ de 5 km est à 10h30, c'est la OK. première épreuve. OK. Puis après ça, on a le 2 et le 1 qui vont suivre. Là. C'est une épreuve à la fois, ça se marche pas en même temps là, comme le Lacadien. OK, OK. Ben Julie, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est fun, c'est fort agréable de voir qu'on n'a plus à parler, puis on attend les résultats pour lundi. OK, merci beaucoup. Voilà, Julie Arbour, qui est la responsable de la compétition de nage en eau libre à Chibougamau.